Galerie Ouest. Un jour seulement après la fermeture de la Galerie Est. Allez les cocos, remis le popotin, on n'a pas que ça à faire, on creuse, on creuse. Apportez-moi une pelleteuse. Apportez-moi une pelleteuse. J'ai dit apportez-moi une pelleteuse, balancez-moi. Je suis un Baifouiche, un gnome des profondeurs. On se remue. Et on creuse un cent ans. Je suis un gnome. Je suis un creuseur. Nous sommes des milliers à creuser. Je m'appelle Squeak. Notre but à nous, les creuseurs, c'est de creuser la terre pour qu'on puisse s'installer ici, étendre notre grande cité, Wish City. Merde, qui c'est qui m'a pété mon casque? Le ferme, Frodruche, le ferme! On est des milliers à creuser. Alors les gars, content de reprendre du service? Bonjour, chef. Chef Moriarty. Alors, Booz, prêt à mettre sa force au service du peuple, hein? On creuse. Le chef Moriarty, l'un des contremaîtres des creuseurs. Un Baifouiche plus petit que la moyenne, assez gros et court sur pattes. Imaginez-le avec son gros casque qui lui tombe toujours sur les yeux, et vous voyez le phénomène. Dites les gars, je voudrais savoir, personne ne reparle de la Galerie Est, n'est-ce pas? La Galerie Est, la galerie où hier encore nous travaillions d'arrache-pied. Le grand plafond s'y était effondré, découvrant un grand plafond plus beau encore, scintillant de mille feux. Mais personne ne voulait le voir, personne ne s'y intéressait, à part moi et Booz. Non, chef Moriarty, pourquoi? On n'y est pas retourné et... Fais attention avec ta pioche! Et toi, fais attention avec ta langue ou je te la coupe et je t'en fais un nouveau slip! Non, c'est juste que... Enfin, il est hors de question que quelqu'un reparle du grand plafond, vous comprenez bien. Il n'existe que Wish City, les Baifouish. Le grand dirigeant ne veut pas que nous parlions de ces hornettes d'un quelconque monde d'en haut. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est dans le monde d'en bas. Et ça, ce serait plutôt con, non? Oui, un peu, oui. Bon, travaillez bien, les gars. Si la Galerie Est n'a plus droit de citer, c'est la Galerie Ouest aujourd'hui dont il faut s'occuper. Les bâtisseurs attendent la fin des travaux d'ici une semaine. Le chef Moriarty s'est éloigné, évitant de peu une pelleteuse. Ah putain, arrêtez de me lancer les pelleteuses! C'est super lourd! Les bâtisseurs... Les bâtisseurs par-ci, les bâtisseurs par-là, il y en a que pour les bâtisseurs. C'est eux qui construisent les immeubles, les maisons et tout le reste, Booz. C'est normal que le peuple les adule. Ouais, ben moi, je trouve pas normal qu'on adule des têtes de gland. Ces mecs-là, ils pourraient demander à ce qu'on creuse leur mère s'ils pouvaient y construire un building. Remarque, vu comment leurs mères, elles sont grosses, ils auraient besoin de faire des ravalements plus d'une fois. On n'avait pas reparlé de notre étrange rencontre de la veille, Booz et moi. On était copains, on n'avait pas besoin de se parler. Moi, j'y pensais encore, pourtant. La Galerie Est. Nous y étions retournés et... Non, finalement, il fallait pas y repenser. C'était si stupide. Je ne suis qu'un gnome, un Baifouiche, un creuseur. Alors, les creuseurs, on se masturbe avec des pioches? Putain, Rosencraft! Tu m'as foutu les chocottes! Rosencraft, le plus réputé des bâtisseurs, le plus ignoble aussi. Que faisait-il sur le chantier de la Galerie Ouest, accompagné de 5 autres bâtisseurs? Qu'est-ce que tu fous ici, Rosencraft? Je venais voir comment avançaient les travaux. J'ai le droit, non? Je suis un bâtisseur. Les bâtisseurs ont tous les droits. Ouais, les droits d'être des gros cons aussi, ça vous en gardez le privilège. Je serai toi, je ferai gaffe à mes fesses, Quick. Pourquoi tes fesses? T'as peur que j'y fourre ma pioche? Non mais t'as vu comment il te parle, Rosen? Moi je lui foutrais une roufiole. Une carniole, idiot! Tu ne perds rien pour atteindre, Squeak. Et toi aussi, le gros. J'ai jamais pu saquer les creuseurs. Si je pouvais en faire mon petit-déj, j'y mettrais du piment. J'espère que ça t'écorchera la gueule! Rosencraft s'est éclipsé. Nous allions nous remettre au boulot, énervés comme on était, ça pouvait qu'aider. Lever la pioche et l'abattre sur la roche, casser, creuser. Alors que les machines s'occupaient des gros rochers, nous, on y perdait la paume des mains sur les manches des pioches. Squeak, Booz! On va jamais réussir à bosser, nous! Ouais, j'ai bien l'impression. Chef Moriarty ? Non, désolé de vous déranger dans votre boulot, les gars. Un boulot fort bien mené, hein, d'ailleurs. Mais il y a quelqu'un qui veut vous voir. Je veux dire... Est-ce que moi, je reçois des visites pendant que je bosse ? Hein ? Bon, d'accord, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, mais on sait jamais si mon banquier voulait venir me voir. Hein ? Ben... Vous avez du pot que ça soit quelqu'un d'important. D'important ? Quelqu'un d'important voulait nous voir, vous et moi. D'important. Bah, fouiche.